Bonjour, ici Valérie Levin, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Quand on parle de la recherche scientifique, on pense instantanément à nos universités, ici au Québec ou au Canada ou aux États-Unis ou en France et quelques pays européens, et on ne pense pas d'emblée aux universités africaines, comme s'il n'y avait pas d'universités au Maroc ou au Sénégal ou au Cameroun ou au Togo ou au Congo et tous les autres pays d'Afrique. Ou alors on s'imagine que s'il y a effectivement des universités dans ces pays, peut-être qu'on se dit que la recherche qui s'y fait ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Et pourtant, les problématiques de recherche qui nous touchent ici sont aussi présentes en terre africaine et les universités africaines cherchent aussi à les résoudre avec des solutions parfois originales. Alors, on va voir aujourd'hui deux exemples de ces recherches africaines. La première nous emmène en Côte d'Ivoire sur la problématique de la pollution par le plastique et la deuxième nous emmènera au Togo sur la problématique des inondations. Alors, on commence avec la Côte d'Ivoire où j'ai joint Aline Do. Elle est étudiante au doctorat en biochimie et technologie des aliments à l'université Nangui Abrogwa à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Aline. Bonjour Valérie. Alors Aline, peux-tu, pour commencer, nous faire un petit état des lieux sur la production de plastique et de la pollution par le plastique à travers le monde? D'accord. Il faut savoir que le plastique, il est utilisé dans tous les domaines. Vêtements, jouets, emballages, transports et j'en passe. Durant ces deux dernières décennies, la production du plastique a carrément doublé. La production est passée d'environ 230 millions de tonnes en 2000 à 460 millions de tonnes en 2019. Oui, et malheureusement, une très grande partie de cette production se retrouve généralement dans les décharges ou dans la nature sous forme de déchets plastiques. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 350 millions de tonnes de plastique qui sont produites dans le monde et qui polluent ainsi toute la planète. Voilà, j'imagine que c'est pas très bon pour les écosystèmes. Effectivement, ça cause un réel problème pour les écosystèmes, que ce soit marin ou terrestre. Plus de 70% des déchets plastiques produits se retrouvent dans la nature, dans la mer, dans les décharges. Et aujourd'hui, c'est un réel défi pour tous les pays du monde entier. Il faut savoir que le plastique met plus de 400 ans à se dégrader. Et même là, il ne se dégrade pas complètement. Il se transforme en particules plus fines appelées microplastiques. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Exactement, on a ce problème-là Voilà. dans le Saint-Laurent au Québec, on retrouve toutes ces microbilles de plastique. Voilà. Et c'est un réel problème parce que même quand ça se dégrade, ça continue d'appauvrir les sols, ça continue de contaminer tous les animaux de tout genre, de l'océan par exemple. Et aussi, les microplastiques peuvent se retrouver dans l'eau que nous consommons. Et ça, oui, et ça peut causer de réels problèmes de santé. Et j'aimerais parler aussi de l'incinération du plastique aussi, qui est vraiment un moyen pour venir à bout à ce phénomène. Mais le souci est que lorsque le plastique est incinéré, la fumée qui est dégagée contient des produits toxiques qui se dégagent dans l'air et qui peuvent contribuer à par exemple, des maladies cardiovasculaires. Voilà. Aggraver aussi des maladies qui sont généralement dues à des infections respiratoires. Oui, Donc, exactement. Ouais. ouais, le plastique, c'est un réel problème et on doit vraiment venir à bout de ce phénomène. Oui, puis la Côte d'Ivoire, c'est intéressant parce que face à cette situation de gestion des résidus de plastique, donc le gouvernement ivoirien a pris quand même une décision assez drastique. Quelle est cette décision? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire produit plus de 400 000 tonnes de déchets plastiques. Ah Ouais. Donc, en 2013, le gouvernement ivoirien s'est lancé un défi, lutter contre les sacs plastiques. Et là, ils ont interdit, le gouvernement a interdit par décret l'utilisation, la commercialisation, la production des sacs plastiques sur l'ensemble de son territoire. Ah oui, voilà. Et donc il faut trouver une alternative parce que c'est bien pratique pour emballer certaines choses, parfois les aliments. Donc justement, et on en vient à ton sujet de recherche qui est de trouver une Oui. alternative au plastique comme emballage alimentaire. Tout à fait. Aussi, je dois ajouter que malgré l'interdiction, le problème est toujours là parce qu'on a vraiment pas trouvé d'alternative au sac plastique. Et il faut dire que le plastique, le sac plastique, il aide vraiment. Et aussi, les sacs à usage multiple sont un peu chers ici. Donc, c'est difficile pour le consommateur, pour l'Ivoirien, d'aller tout le temps acheter des sacs à usage multiple. Et donc, comme le problème se pose, et ici en Côte d'Ivoire, dans le commerce, on utilise tout le temps les sacs plastiques et pour emballer les aliments, les vêtements, tout et tout. Donc, nous sommes fixés pour objectif de produire un emballage qui sera biodégradable et donc un emballage à base d'amidon qu'on pourra utiliser pour emballer l'attiéké. La tchéquée, qu'est-ce que c'est? Oui, l'attiéké, c'est un mets très prisé par les Ivoiriens. Je peux même dire que c'est une identité culturelle parce que quand on parle de attiéké, c'est Côte d'Ivoire, c'est ivoirien. D'accord, c'est quoi? C'est Et une plante, c'est quoi? l'attiéké est une semoule faite à base de manioc. D'accord. Voilà. Et après la cuisson, c'est généralement emballé dans du plastique, dans des films plastiques. Et on produit plus de 40 000 tonnes d'attiéké par an. Donc, imaginez le nombre de plastique Ouais. qu'on prend pour emballer. Voilà. Donc, ça contribue aussi à la pollution du plastique. Donc, il fallait trouver une alternative au plastique pour emballer cet attiéké. Donc, quelle est cette Tout à alternative? fait. On a décidé de se tourner vers les matériaux biodégradables, les polymères. À la suite de recherches, nous avons vu que l'amidon de manioc était vraiment capable de produire du plastique. Donc, on a décidé de faire un emballage à base d'amidon de manioc. D'accord. Donc on extrait l'amidon et puis on fait un traitement chimique pour en faire un film. Non, pas de traitement chimique, je dirais plutôt c'est un traitement thermique. OK, d'accord. C'est un traitement thermique. L'amidon, lorsqu'il est mélangé avec de l'eau et qu'on chauffe à plus de 70 degrés, il se gélifie. Et après séchage, ce gel permet d'obtenir un film. Mais dans notre cas, on était obligé d'ajouter un plastifiant parce que l'amidon avec l'eau, après séchage, ça nous donnait un film vraiment rigide, c'était vraiment pas élastique. Donc, on devait ajouter un plastifiant qui était le glycérol. Ouais. Donc, on a ajouté le glycérol et on a obtenu un film qui était vraiment élastique, transparent, mais ça ne. Comment je peux dire? On n'était vraiment pas encore satisfait des propriétés qu'on avait Donc, avec l'amidon simple. qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trouvé une autre solution que de mettre le glycérol? Vous avez trouvé une autre solution pour améliorer la plasticité de ce film d'amidon? Oui. Des études faites auparavant avaient montré que l'ajout de fibres cellulosiques permettait d'améliorer la résistance et aussi la flexibilité, permettait d'améliorer aussi la barrière à la vapeur d'eau Ah ouais. du film qu'on obtenait. Donc, vu qu'ici en Côte d'Ivoire, on a du coco et les fibres autour du coco, généralement, sont rejetées dans la nature et toujours dans l'optique de valoriser les déchets. Nous, on utilise ces fibres qu'on ajoute à l'amidon pour avoir un film plastique vraiment résistant, qui a de très bonnes barrières à la vapeur d'eau et qui va nous permettre, on croit, d'emballer la ticket. Donc là, finalement, c'est un emballage plastique, mais plastique avec de l'amidon de manioc qui est auquel on ajoute des fibres de noix de coco pour le rendre un peu plus élastique, pour qu'il soit moins rigide. Et il faut dire aussi que l'amidon de manioc qui sert à faire ces plastiques n'empiète pas sur la ressource alimentaire parce que c'est un résidu de la préparation de l'attiéké. On a donc au final un sac plastique fait de deux résidus végétaux, l'amidon de manioc et la fibre de coco. Voilà, ben on voit que c'est une très belle solution originale pour contrer la pollution par le plastique, une solution à base de ressources locales et d'expertise locale. Alors, merci beaucoup, Aline, d'avoir pris le micro de Futur Simple pour nous faire vivre un pan de la recherche ivoirienne. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, je rappelle qu'Aline Do est étudiante au doctorat en biochimie et technologie des aliments à l'université Nangui Abrogwa à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On fait une petite pause musicale sur CKRL 89.1 et Futur Simple se poursuivra au Togo. De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et dans cette deuxième partie d'émission, on va parler d'inondations. Au Québec, nous avons vécu ces dernières années d'importantes inondations et on a pu voir comment les villes sont paralysées en cas d'inondation, des maisons sont inondées, des routes sont coupées, l'accès à l'eau potable est compromis et avec les changements climatiques, le risque d'inondation augmente. Alors au Québec, pour gérer ce risque, il y a un réseau de recherche qui s'est créé, c'est le RIIS, le RIS, pour Réseau Inondation Intersectorielle du Québec. Et on va voir que c'est aussi une préoccupation en Afrique et notamment au Togo, où je rejoins Resh Atipo. Resh est étudiant au doctorat à l'université de Lomé, au Togo. Il est étudiant en développement urbain durable au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Bonjour Resh. Bonjour Valérie, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio. Alors, tout d'abord, Ref, pour que les auditeurs, les auditrices se mettent un peu en situation, là, on est donc au Togo, à Lomé. Lomé, ça se trouve où, en fait? C'est sur la côte, c'est à l'intérieur des terres. Comment se produisent les inondations? D'accord, Lomé, c'est. Merci Valérie. Lomé, c'est la capitale du Togo. Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve sur la côte, bien évidemment, en face de l'océan Atlantique. Et le pays se situe entre le Ghana et le Bénin. Alors, Lomé, la capitale, fait environ 334 km². Et figurez-vous, 30 km² est dans une zone lagunaire. Ah. Donc, les inondations, c'est beaucoup plus la lagune, les débordements des lagunes, et aussi la nature du sol qui est hydrophobe, je dirais un peu argileux, qui absorbe pas l'eau. Ce qui fait que quand il y a une récurrence de pluie, l'eau déborde et ça perturbe le fonctionnement de la ville. D'accord. Et ça arrive souvent les inondations à Lomé? Oui, parce que d'abord les inondations, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui à Lomé, depuis la nuit des temps, mais ces derniers temps, avec les effets pervers des changements climatiques, ça s'est accentué et chaque année, pendant la saison pluvieuse, la ville est à la merci des inondations. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur la population, sur les infrastructures? Comment ça se manifeste? Exactement, les conséquences, le constat est amer parce que les conséquences sont dramatiques et ça touche tout l'ensemble de la ville, que ce soit les services, que ce soit les infrastructures, que ce soit la population. Il se trouve que, par exemple, quand il y a une zone où le réseau électrique, le transformateur du réseau électrique est submergé dans l'eau, toute zone est paralysée, il y a coupure d'électricité. Cette coupure perturbe tout le système économique et le fonctionnement de la ville. Il se trouve aussi que des zones, des routes stratégiques qui desservent deux grands noyaux de la ville soient inondées et impraticables. Et cela aussi perturbe non seulement la circulation et le fonctionnement de la ville. Donc, les conséquences sont vraiment, vraiment, vraiment énormes. D'accord. Donc là, tu nous as dressé le portrait des inondations, du cas des inondations à Lomé. Là-dedans, donc dans ce contexte, sur quoi porte ta recherche? Ma recherche porte sur l'analyse de risque de vulnérabilité des réseaux techniques. Ben, je cherche à comprendre Comment les réseaux qui sont vulnérables aux inondations rendent la ville automatiquement vulnérable? Et aussi, la question vraiment est de comprendre la question de recherche. Quelle est la relation qui existe entre ces réseaux au sein d'une ville afin que, quand un réseau est touché, une fois qu'un réseau est touché, le reste des réseaux subissent des dysfonctionnements et toute la ville est perturbée. C'est vraiment la question de la recherche, la question principale. D'accord. Quand tu parles de réseau, c'est les réseaux routiers, c'est les réseaux électriques, c'est quoi plus précisément? Merci. D'abord, j'ai défini le réseau comme un support matériel et organisationnel nécessaire au fonctionnement de la ville. Et ce support permet la circulation et la dissipation des flux. Donc, ça peut être le réseau électrique qui distribue des flux, le réseau électrique, le réseau routier, le réseau d'eau potable, le réseau télécom et même le réseau des déchets solides, des gestion des réseaux des eaux pluviales. Ça Ah couvre oui. tous les services urbains dans son ensemble. Parce que ces D'accord. services portent sont ce que l'on appelle la colonne vertébrale d'une ville. C'est ça qui définit la ville. Exactement, oui. Donc, quelle a été ta recherche pour étudier ta démarche pour étudier les connexions, les interdépendances entre ces réseaux? Bon, la démarche, elle est vraiment intéressante parce qu'il faudrait toucher tout l'ensemble. D'abord, la première des choses, c'était de faire un retour d'expérience sur tout ce qui est inondation dans Lomé, de comprendre en quelle année a commencé les inondations, qu'elles commencent à se manifester et comment se manifestent aujourd'hui. Ensuite, il faudrait faire une analyse spatiale des inondations. Quelles sont des zones qui sont toujours sujets des inondations? Où est-ce qu'elles sont vulnérables, bien qu'ils ne soient pas sujets, mais la vulnérabilité se transmet dans l'autre zone. Après, il fallait voir le fonctionnement et la structuration aussi des réseaux. Est-ce que volontairement les réseaux étaient conçus dans les zones inondables ou bien les réseaux subissent un lien direct? Et enfin, il faudrait analyser les impacts et le comportement de la population. Donc, c'est l'ensemble de ces quatre points, segments, qui forment une analyse, une démarche méthodologique mixte, à la fois qualitative et quantitative, qui a permis d'évaluer ces recherches. Donc une analyse spatiale pour voir les secteurs touchés, un retour d'expérience, donc là, voir au niveau de la population comment les gens ont été touchés et de quelle façon, par exemple. Effectivement. Effectivement. Et D'accord. comment ils réagissaient, quels sont les dysfonctionnements qu'ils subissaient. D'accord. Et alors, quelle peut être l'interdépendance? C'est pas très évident de se figurer un petit peu comment, par exemple, le réseau électricité peut être connecté ou dépendant du réseau routier, du réseau le réseau d'eau potable. Comment est-ce qu'il est connecté avec les autres réseaux? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette interdépendance? D'accord. Alors, l'interdépendance en soi, c'est le changement d'information, de relation, de connexion qui existe entre deux supports. Et là, les supports sont des réseaux. Alors, après l'analyse de terrain, on se rend compte, en gros, il y a quatre interdépendances qui existent entre ces réseaux. Je parlerai d'abord de l'interdépendance physique, c'est-à-dire le point A dépend du point B. C'est le cas du réseau, des pompes hydrauliques, le réseau d'eau potable, de distribution d'eau potable qui dépend fortement du réseau électrique. Bien qu'il y a l'eau pour pomper l'eau, pour mettre l'eau dans le circuit, il faut du réseau électrique, de l'énergie électrique, afin que cela soit possible. Donc, cette interdépendance que l'autre dépend de l'autre point B, cela, nous avons appelé l'interdépendance physique. Alors, il y a aussi ce que nous avons constaté, l'interdépendance cybernétique, qui consiste à un changement, à une transmission d'informations. C'est le cas, par exemple, des feux tricolores, où l'on transmet des informations à un système de programmation qui permet de s'allumer, de s'éteindre, ou bien des barrières de sécurité. Là aussi, il y a le réseau qui agit dans les deux, en fait. Il y a la connexion Internet, il y a le réseau électrique et le support qui agit même avec le réseau routier. Il y a l'interdépendance géographique, ce qui est très intéressant. Souvent, ça dépend de la proximité que l'autre se trouve à côté de l'autre. Je prends le cas des câbles électriques souterrains qui dépendent forcément de la surface qui le couvre. Si la surface est en béton, c'est une canalisation, par exemple, ou bien comment on appelle les galeries. Si la galerie est vulnérable et ça cède, le réseau automatiquement aussi cède. Et enfin, aussi, on a les interdépendances logiques qui sont vraiment naturelles. Quand on prend le cas du réseau routier avec le réseau d'assainissement qui s'accompagne de la canalisation, quand la canalisation cède, le réseau routier devient vulnérable. Donc, en gros, on a ces quatre types d'interdépendances qui existent entre les réseaux urbains que notre travail essaie de comprendre et de voir ce qui se passe entre eux. D'accord. Et est-ce que ça permet de modéliser un petit peu les interdépendances et finalement on s'aperçoit que si tel réseau est touché, comment ça va se répandre dans l'ensemble des autres réseaux? Effectivement, quand on essaie de comprendre la relation d'échange, la relation de connexion, la relation d'interdépendance qui existe entre ces ensembles de réseaux, ça nous donne une idée de modélisation globale entre les ensembles des réseaux ou les points de jonction de ces réseaux que nous appelons les nœuds. Par exemple, pour le réseau électrique, le nœud pourrait être le transformateur ou bien le point de départ. Quand on prend le haute tension vers le HB qui est tension, moyenne tension, il y a un point de départ qui alimente. Lui, on le prend comme le nœud. On peut prendre aussi des canalisations, des points de connexion des canalisations qui sont aussi comme des nœuds. Donc, cela permet de voir vraiment quelle est l'interdépendance qui existe. On modélise le système afin de mieux comprendre et de prévoir Ouais. certains dysfonctionnements. C'est ça, exactement. Donc, et en terminant, Reich, est-ce que cette modélisation, finalement, ça va permettre de mieux gérer les risques d'inondation et aussi de mieux gérer les conséquences des inondations? Est-ce que c'est ça l'objectif? Bon, bien sûr que oui, mais les risques des inondations, c'est tellement vaste parce que ça dépend de la politique de la planification urbaine. Donc, c'est un Ouais. peu à grande échelle, mais gérer les conséquences, les effets pervers des inondations, bien sûr que oui. Parce que là, une fois qu'on comprend l'interdépendance, on comprend les relations qui existent, on comprend avec l'analyse spatiale les points faibles, vulnérables, on repense la manière de concevoir les réseaux, on repense la manière de faire des choses, de telle sorte que aujourd'hui on pourrait concevoir des réseaux s'il y a inondation qu'ils soient fonctionnels. Je prends un exemple, on pourrait dire dans tel secteur, si on doit concevoir des transformateurs électriques, on doit les surélever parce que l'inondation arrive au niveau d'un mètre. S'il y a des réseaux d'eau potable, on doit peut-être pas utiliser de PVC, mais on doit utiliser de l'acier ou du béton, ainsi de suite. Le système de canalisation, de distribution doit changer parce que ça résiste aux inondations et aussi ça ne facilite pas la vulnérabilité interne, c'est-à-dire quand ça touche pas l'externe, ça touche l'interne. Là, ça arrive beaucoup plus dans la qualité d'eau potable. Ça peut toucher le réseau sans toucher l'eau, mais ça peut aussi venir toucher l'eau à l'intérieur. Donc, ça permet vraiment de réduire les conséquences, les dysfonctionnements et de rendre la ville durable et vivable pendant les inondations. Exactement. Donc, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, le même genre d'études se fait ici également au Québec, notamment à l'École Polytechnique Montréal avec le professeur Benoît Robert, qui est directeur du Centre Risque et Performance et qui étudie la résilience et les effets dominos entre plusieurs réseaux soumis à des aléas. Donc, on retrouve cette même problématique avec cette idée d'effet domino entre les réseaux. Donc, ce sont justement ces effets dominos qui réfèrent parfaitement à cette interdépendance dont tu nous parles, Rech. Alors, merci beaucoup, Rech, de nous Merci avoir Valérie. expliqué comment cette problématique de l'interdépendance des réseaux est étudiée à Lomé, au Togo. Merci beaucoup, Rech. Merci Valérie pour l'invitation. Merci aux auditeurs, auditrices et merci au Canada. Et je rappelle que Reich Atipo est étudiant au doctorat à l'Université de Lomé, au Togo, étudiant en développement durable au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires de science. Et pour le moment, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de CKRL 89.1 avec Calypso le Moine et En Aparté. Je le dis sans plier le genou, je le dis sans retirer mon bab, je le dis sans pleurer dans ton cou et sans me moucher dans ta robe. Moi l'amour faut que j'en donne, car j'en ai toute une bonbonne. Moi l'amour mange un fédon, car j'en ai tout un bidon. De l'amour ma rêveuse, moi j'en ai toute une friteuse. De l'amour ma fatigante, moi j'en ai un fût de 50. Même si mes intentions sont bonnes, je dois te demander pardon. Que vas-tu faire de mes bonbonnes? Que vas-tu faire de mes bidons? Fatigant, moi j'en ai.